Galaxy Pop a changé d'adresse. Ce n'est plus Constellation, mais Nouveauté. 30 jours de podcast pour mettre des paupiètes dans votre vie. Galaxy Pop Nouveauté, c'est mon produit de beauté. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Deux Branques Sinon Rien. Alors, cette semaine à l'affiche, le corbeau va vous parler d'En plein vol, puis je vous parlerai de Terrain miné, le chef-d'œuvre de Steven Seagal, puis le corbeau reviendra avec le film qui fait son petit effet dernièrement, le robot sauvage. Alors, à votre avis, est-ce qu'un robot est plus humain que le corbeau? Puis, pour terminer ce petit tour assez éclectique, on finira avec Un jour sans fin que j'ai revu l'autre jour avec mes enfants. Alors, on va donc commencer par écouter Le Corbeau nous parler d'En plein vol, la dernière prod Netflix du moment. Un groupe de voleurs, amateurs d'art, poursuivis par Interpol, sont incités en échange de leur liberté à aider la dite organisation à voler 500 millions de dollars d'or à un méchant qui finance le terrorisme lors d'un transfert de cet argent entre Londres et Zurich. Réalisé par F. Gary Gray, qui a entre autres commis des chefs-d'œuvre comme Braquage à l'italienne, Be Cool, Men in Black International ou Fast and Furious 8, ce film de braquage s'avère être une production typique Netflix. Image propre, numérique, aseptisée. Beaucoup d'argent à l'écran et acteurs qui viennent cachetonner. On dirait qu'il nous a servi le modèle par défaut du film de braquage sans le personnaliser. On a l'équipe hétéroclite de spécialistes, la policière acharnée, son responsable pourri jusqu'à l'os, et Jean Reno en méchant qui a dû exiger de tourner une semaine seulement sans lever le cul de sa propriété. C'est lisse, prévisible, les personnages n'existent pas, n'ont aucune substance, et sont des contre-emplois ratés. N'est-ce pas Kevin Hart? À la fin de ce film de petit malin, vous resterez toujours aussi incrédule quant au fait que Sam Worthington ait pu faire carrière, et qu'un film aussi cher puisse avoir des effets spéciaux de vol aussi dégueulasses. Bref, une prod bien calibrée pour le public type de Netflix. Mais ô combien dispensable si vous souhaitez n'avoir ne serait-ce que 100 minutes de plaisir, voire juste de cinéma. Bah voilà, en même temps pourquoi le corbeau s'inflige des prods Netflix? Il sait quand même bien ce qu'il va regarder. Pourquoi il est surpris? C'est à croire qu'il aime se faire du mal ce bonhomme. C'est pas moi qui ferais ça, moi je n'aime que le grand cinéma, que l'art, pour l'amour de l'art. Et c'est donc pour ça que je vais vous parler de Terrain miné. Oui, enfin, oubliez ce que j'ai dit juste avant, en fin de compte. Hein, donc aujourd'hui, on va se payer du lourd. Et je ne fais pas uniquement référence au poids de panda dodu, qui est d'ailleurs encore plutôt svelte ici. On doit être en période pré-cookie dans les poches. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur Saumon Agile et les cookies, foncez écouter iKick dans ton podcast, et oui, encore eux. Ils y parlent Aikido et régime, surtout dans l'épisode sur piège à grande vitesse, évidemment. Bon, bref, que vaut ce terrain miné? Seul film produit, interprété, réalisé par Steven Seagal. Putain, on était à deux doigts qu'il fasse la BO. Bon, ben, pour être totalement honnête, laissez-moi vous dire que je n'aime pas du tout l'outre-guerrière. Il m'est profondément antipathique, je n'ai aucune indulgence pour lui. C'est un sale type qui joue des connards. Maintenant que je vous ai donné ce postulat de base, parlons du film. Bon, bah, c'est un putain d'égotrip d'un melon surdimensionné qui veut s'acheter une conscience. Le pire, c'est que le fond n'est pas bête, voire pertinent, mais c'est raconté avec une telle insincérité que ça gâche tout. D'un point de vue formel, c'est pas si mal filmé que ce que je craignais, et le score de Paul et Doris fait grave le taf, vraiment bien bien, même s'il ne semble pas toujours bien utilisé. Steven joue un gros connard qui donne des leçons de morale à d'autres gros connards en leur chiant dessus la scène d'après. Michael Caine n'est là que pour le chèque, et on le comprend. John McQuinley et Sven Ole Thornson, excusez-moi pour la prononciation, jouent les gros bras de manière mécanique et Early Hermé s'éclate à réciter des punchlines à la gloire de Faucon Fâché. Bon, allez, on va voir le positif comme dirait le corbeau. Il y a quelques bastons sympas et ça ne lésine pas sur les membres cassés et la violence graphique. Mais c'est quand même très amusant de voir un type se sculpter une œuvre à sa gloire avec les mains pleines de merde. Oui bon bah ok, moi non plus je regarde pas que des chefs-d'œuvre. Bon, ok. Tiens, en parlant de chefs-d'œuvre, écoutons donc le corbeau nous parler du robot sauvage. Rozum 7134 est activé sur une île par des animaux sauvages. Rozum 7134 est, comme le titre l'indique, un robot. Il n'a qu'un but, accomplir la mission qui lui sera assignée. Or, il écrase par accident le nid d'une oie qu'il tue, en ne laissant qu'un seul œuf intact. Après éclosion, Rozum dit Rose va devoir jouer la mère de substitution auprès du jar Jolibec. Voilà donc le film acclamé par les critiques et le public. Eh bien, pour être honnête, je ne comprends pas trop pourquoi. J'ai l'impression d'avoir vu un condensé d'une centaine d'œuvres avec des robots, des animaux rigolos, l'importance de la famille, etc. Voilà, une sorte de pot-pourri de tout ce qui a été fait depuis 20 ans. Un peu de géants de fer, de Ron, de nos voisins les hommes. Alors en revanche, c'est beau. Bien animé, avec une direction artistique originale. Mais je ne comprends pas cet élan du cœur. Je l'ai regardé avec ma petite Corbilla, qui n'a pas été plus emballée que ça. Et en même temps, elle adore Predator. Si ça se trouve, j'ai déjà tué son âme d'enfant. Personnellement, j'ai eu plus d'émotions ce matin en coulant un bronze qu'en regardant ce film. Il se visionne sans déplaisir. Les enfants aimeront sûrement les mimiques du petit jar, le renard et les différentes bestioles de l'île. Les animaux qui s'entraident, deviennent amis et finissent par adopter le robot qu'ils craignaient. En revanche, en tant qu'adulte, l'histoire est tellement balisée que je ne l'ai regardée que d'un œil. Honnête, mais sans surprise. Ah bah c'est officiel, le corbeau n'a pas de cœur, mais en même temps, qui en doutait ? Bon, personnellement, j'ai pas encore vu le robot sauvage, donc je vais pas juger trop vite le cœur du corbeau. Mais quand même. Bon, moi je vais vous parler d'un film qui a du cœur, parce que moi j'ai un cœur, contrairement à lui. Je vais vous parler d'Un jour sans fin. Eh oui. N'oubliez pas cette petite phrase. Debout les campeurs et haut les cœurs, n'oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui. Normalement, si vous avez grandi pendant les années 90, comme moi, cette simple phrase devrait activer tout un tas de souvenirs ainsi qu'un profond agacement potentiel. Mais qui ne durera pas tant ce film est une des pierres angulaires de la comédie US des années 90. L'âge d'or grâce notamment à trois figures de proue que sont Ivan Reitman, Bill Murray et surtout, et avant tout, Harold Ramis. Debout les campeurs et haut les cœurs, n'oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui. Et ce jour sans fin est également un fleuron du film de boucle temporelle, qui ne sera finalement rattrapé que par le Palm Spring des décennies plus tard. Je sais que c'est un pur genre de niche, mais c'est quand même le top du film de niche. Debout les campeurs et haut les cœurs, n'oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui. Ça y est, je crois que ça commence à devenir agaçant pour vous. Alors imaginez un instant le calvaire de Phil, un présentateur météo cynique et méchant, incarné par Bill Murray, obligé de revivre ad nauseam la même journée. Une journée qu'il déteste plus que tout, une journée chez les ploucs à filmer une foutue marmotte. Mais au fil des répétitions, Phil va devenir un type encore plus méprisable, un type dépressif, puis au prix d'un effort incroyable, quelqu'un de bien. Ok, Bill Murray a déjà joué ce rôle mille fois, comme dans Fantôme en fête par exemple, mais qu'importe, puisqu'il porte ce genre de personnage à la perfection. Je suis content de l'avoir revu avec mes gosses, ils ont adoré eux aussi. Bientôt, on se fera Palm Spring ou encore Boss Level. Voilà, bon au moins, on a terminé sur un bon film. Ça, vous pouvez pas me le retirer, pour une fois, on a terminé sur un bon film. Et on n'a pas parlé que souffrance pendant 10 minutes. Quand même, c'est pas si mal pour une fois. Allez, je vous dis à la semaine prochaine, salut à tous. Chez Galaxy Pop, on n'a qu'une seule envie, c'est de partager. Être écouté, mais pas consommé. Alors, fais-nous des retours. Galaxy Pop, viens, on va bien s'entendre. Dis Dani, viens, on va bien s'entendre. Ça fait pas un peu pub pour des aides auditives? Enfin, moi je dis ça, je dis rien.